où je vais partir en fumée. Docteur me l'avait bien dit, faut que t'arrêtes de crier. Des cousus sans arrêt, c'est très pas de consommer. À force de tirer dessus, d'avaler son poison, t'as un embouteillage du côté des artères. Et elles sont tellement bouchées, et elles sont tellement polluées. Ton sang circule maintenant sur des routes secondaires. Gentille nicotine, t'es plus mon héroïne. Ton goudron va bouffer les poumons. Gentille nicotine, t'es qu'une triste habitude. Ton goudron a fondu les poumons. Plume, plume, ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'auras peut-être des soucis, hein. Plume, plume, ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'en seras sûrement guéri. J'ai plus de corde vocale, j'ai l'écharpe à la gorge. Bientôt faudra que j'arrête de fumer ou de respirer. J'aurai plus d'autre choix pour retrouver ma voix. Trop longtemps entaffé de goudron inhalé. Combien de cendriers sont partis en fumée. Combien de cendriers j'aurais réduit en cendres. Docteur me l'avait bien dit, j'aurais dû l'écouter. Bientôt pour respirer, je serai sûrement entubé. Gentille nicotine, t'es plus mon héroïne. Ton goudron va couper les poumons. Gentille nicotine, t'es une triste habitude. Ton goudron m'a bouffé les poumons. Fume, fume ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'auras peut-être des soucis, hein. Fume, fume ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'en seras sûrement guéri. J'ai les poumons qui sifflent un air mélancolique. Ça s'appelle la complainte du clopeur. Dans quelques temps d'ici, je partirai en fumant. D'avoir brûlé ma vie dans du papier jauni. Je remercie ma maison du tabac. M'avoir un peu guidé lorsque j'ai commencé. C'est à, c'est à, c'est à, c'est à elle que je dois. Le choix délibère une mort d'aller en fumer. Gentille nicotine, t'es plus mon héroïne. Ton goudron m'a coupé le poumon. Gentille nicotine, t'es une triste habitude. Ton goudron m'a bouffé les poumons. Fume, fume ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'auras fait des soucis, hein. Fume, fume ta vie mon petit. Dans quelques temps d'ici, t'en seras sûrement guéri. Docteur me l'avait bien dit, j'aurais dû l'écouter. Maintenant pour respirer, je suis toujours entubé. Tout ça parce qu'un beau jour j'ai eu la bonne idée. De vouloir y goûter pour faire comme les copains. De vouloir y goûter pour faire comme les copains. De vouloir y goûter pour faire comme les copains.